Papito, ils ont pas le dos, calibré même mon resto. Papito, la vie c'est de l'eau, il a vu des choses qui sont. Il a vu des têtes, il joue sous pépé, il fait des têtes pour prendre des Giuseppe. En mettre dans le coiffeur, ce sont des gens qui sont têtes, pour dire ce qui t'aide. Rafale, rafale, boum, dans le stress, ça se croit dans le boom. Je fais voir une gadi dans le boom et je disparais comme Colton quand on va. On est des tauliers, ouais. Même sur du piano, on rappe le quartier, ouais. C'est automatique. Même sans du mon vite, mon livre et ma vie veulent tout gâcher. Je vais en revivre, en cacher, je vais en mettre en calendrier. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. On veut le monde comme Tony. Et ces bâtards, ils en tirant. Et ces bâtards, ils en chirant. Le mauvais oeil nous attirant. Je suis un patin dans la Bugatti qui rend. Tu crois que tout va bien, tu sais pas ce qui se passe dans la tête. Le monde, tu fais. Si on donne pas de goût, donne pas d'adresse, donne pas la page ma caisse ou celle de tu sais qui est maintenant qui sait le cerf. C'est que sa grand-mère, j'écris mal, j'fais des fautes de grammaire. Mon secteur, il est cramé, ta location, la met de travers. Reste à gâcher chez Zulu, on sait qui c'est le temps. Ma beauté, elle est belle, je ferai tout pour elle. Beauté du haut level, avec un corps de amour. J'ai dépensé tellement de sous dans les boutiques. J'ai piqué comme de cul pour le voir pour le corps. On va faire la fête donc j'oublie tout ce soir. Je vais danser, danser, danser, danser, danser.